Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Say we're gonna party after midnight. So we're gonna get on down to the early light. We're gonna party, yeah, after midnight. So we're gonna get on down to the early light, yeah. Party. It's 12 o'clock and the party's just beginning. We just arrived and we came to get on down. Get on down. I just can't wait till the music starts to play. Come on, everybody, get up, let's go. Let's go. Gonna party, yeah. After midnight, the party, yes. After midnight, so we're gonna get on down. Get on down. The girls are hot, the way they look is so appealing. Jamming on the floor and they're feeling good. We ain't gonna stop till we see the sun is shining. You can't stop the boogie, baby, oh no. Gonna party, yeah, after midnight. So we're gonna get on down till the early light. When you're dancing with your partner, you both look so happy when you hear the music. Oh, if you really wanna party, come with me to Boogie Town. So we can get on down, down. Everybody get on down. Dance to the music. Hey, everybody get on down. Everyone can do it. Everyone get up and get on down. Say we gonna party, yeah. You got to get on up if you want to get down. Party now. You can do it. Ooh, get on down. There ain't nothing to it. Ooh, party now. Espace, la plus funky des radios. Votre radio 100% régionale en Normandie, en Picardie. On passe un moment ensemble certainement et un bon moment de musique funk. Je vous ai sélectionné la meilleure playlist. Pour les inédits Atlantic Star, Vogue dans les gros classiques. À la limite du disco, c'est juste après Tom Tom Club. C'est ici, sur Espace. Bienvenue Funky Mix. In papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Words of nuance, words of skill, and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. What's a word? words of faith and tell them straight. Rare words and swear words, good words and bad words. We'll be right back. That's Funky Mix. Funky Mix. Avec Atlantic Star, je vous emmenais en 86. Bon, c'est le moment de mixer un petit peu pour vous. Je vais vous mélanger quelques sons funky. Restez ici, c'est Funky Mix avec Dan and Brad Street, Revelation. Et là, c'est Stan Funk sur Espace. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. Get on the Funky Mix beat. Be we're here for you to get it on. Everyone here all night long. All we do is jump, scream and shout. Feel it. something about a little something. We've had to fight with all our might just to survive. Remember what we overcame when we really tried. We've got a long way to go, but we're still alive. Everybody shout! Woo. Come on, shout! Uh-huh! Push up! Shout for joy! Clap, clap! Clap your hands and have a good time! We've got so much to celebrate! Avec Dun & Bruce Street, c'est Joy for Joy 1982. Je vous le joue régulièrement dans cette émission funk. J'ai encore envie de vous faire plaisir dans cette émission, ça tombe plutôt bien. Les Whispers, énorme classique de l'année 80 juste après Lenny White. Ça c'est vraiment trop bon, c'est dans Funky Mix, espace. Summer's night. Funky Mix. C'est Ago, For You, écoutez.

passe en mode total cool tempo. C'est bon, hein, c'est Arnie's Love, total inédit funky mix. Espace, les Cool and the Gang sont là. Latoya Jackson, c'est maintenant. C'est cool, c'est cool. Et c'est dans Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Tell me. Sit around. You don't know. Espace, la plus funky des radios. Je reviens tout de suite là avec toute la musique funk que vous aimez. Les meilleurs titres sont ici. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 25 novembre. Ce soir sur TF1, la chaîne sera ultra leader, je vous le dis tout de suite. Hein, pourquoi ? Ils diffusent Les Tuches 2, hein, le rêve américain. France 2, Dipane, un film de Jacques Audiard. C'est un thriller, l'histoire d'un ancien tigre tamoul qui prend l'identité d'un défunt. J'ai pas tout pigé, mais ça a l'air bien. Hein, 23h, un jour un destin, avec Laurent Delahousse, comme d'habitude, avec sa voix qui descend et qui passe dans les graves hein, dès qu'il parle à une fille. Ce soir, il nous propose un inédit, Catherine Deneuve, la discrète des Demoiselles de Rochefort, à Indochine. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée, rassurez-vous, ce ne sont que des redibs, donc on passe vite à la suite. Canal, un match de Ligue 1, Amiens-Marseille. Bon bah écoutez, moi perso et le foot, hein, vous savez ce que j'en pense. 23h10, J+1, on débriefe tout le week-end ballon rond. Arte, Abyss, un film de science-fiction de James Cameron, hein, c'est l'histoire d'un sous-marin avec 156 personnes à bord qui rentre en collision avec un objet non identifié. Forcément, dans un sous-marin, c'est tout de suite le Dawa. M6, Capital, pour débuter la soirée avec Julien Courbet. Classe moyenne, comment sauver votre pouvoir d'achat ? Telle est la question. 23h10, enquête exclusive. Nanar de la Villardière est dans la téloche. Il nous parle de scooters, de vélos, de trottinettes. La folie des deux roues. Alors là, je suis surpris, hein. Mais rassurez-vous, il va forcément nous trouver le côté obscur de la force. Le meilleur de la TNT, C8, Lucifer, la série inédite toute la soirée. W9, le transporteur, que des rodifs. TMC, Colcades avec que des rodifs. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Eat.

Notez par ailleurs que dans les Bouches-du-Rhône, 11 personnes ont été interpellées après les dégradations commises dans la nuit sur un péage de la 50 à La Ciotat. Aucun des casseurs ne faisait partie des Gilets jaunes, d'après la police. Les violences contre les femmes, un autre dossier brûlant pour le gouvernement. Le Premier ministre a annoncé qu'une plateforme de signalement en ligne de violences sexistes et sexuelles sera lancée dès mardi. Elle sera opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et permettra aux victimes et témoins d'échanger avec un policier ou un gendarme. Mardi, le gouvernement pourrait à cette occasion dévoiler les chiffres des féminicides pour l'année passée. En 2016, ce sont 123 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Hier, pour rappel, 12 à 50 000 personnes selon les chiffres, se sont rassemblés à Paris dans le cadre du mouvement Nous Toutes. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont approuvé ce matin l'accord sur le Brexit avec le Royaume-Uni. Les 27 se sont réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles ce dimanche. Une relative victoire pour Theresa May, la première ministre britannique qui doit affronter une crise politique inédite avec cet accord outre-Manche. Une chose semble actée, le Royaume-Uni sortira de l'UE le 29 mars prochain. Et puis un mot de tennis pour finir, la fin du rêve pour l'équipe de France. La bande de Yannick Noah a été battue en finale de la Coupe Davis par la Croatie. Score final 3-1. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. La première émission dance classique. Métropole avec Miss Manhattan, bienvenue dans Funky Mix. Là j'ai un son de 2018, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Non ! Le groupe Zap, reformation du groupe Zap, enfin ils ne se sont jamais séparés. C'est un vieux groupe des années 80, très marqué par un son funk assez dur. Eh bien, dans leur nouvel album, j'extrais Rock That Body, c'est certainement le meilleur titre de l'album. On écoute ça ensemble juste après. C'est les Strikers et Howard Johnson. Funky. Mix. Zap. Mr. Talk Box. One time. Come on. doing my toys. He said, seek, he shall find. I've been with you through all time. And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. And all I ask of you is that you love as I do. And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life, I'll cleanse you in my love. For creation bears a witness of my love. You know that you should know it's time for the world to try your love. The only love that can bring peace in Jaja love. So won't you try, try Jaja love. Espace avec toi, Howard. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore plein de sons funk pour vous. Les Brothers Johnson, Phyllis Seaman, Carl Carlton, quoi d'autre? George Duke dans les gros classiques, Joe Batten. Bon, j'arrête de citer tout ça. On écoute maintenant ensemble Howard Johnson pour l'année 82, c'est So Fine. You're so This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. Funky Mix. À l'heure de la musique funky, c'est forcément Funky Mix. Felice Iman, Joe Batane, Brother Johnson, c'est le gros classique là tout de suite. Qui est pour vous? Bienvenue dans cette émission 100% Funk. Funky Mix. Mix. Lady, she had moves that commitment. Espace, j'ai invité dans cette émission Phyllis Siman. Elle n'a plus d'âge, hein, puisque déjà à l'époque, elle avait un certain âge. You Know How to Love Me. C'est dans un instant qu'on écoute George Duke, gros classique Shine On, Grow Eight of Her. Come With Me, ce sera totalement disco juste après Carl Anderson. Et je rajoute le groupe Odyssey sur Espace.

Espace avec Conquest, Give It To Me, ce groupe sur le label Prélude, label très connu des amateurs de musique funk. Et puis pour les autres, eh bien, totalement inconnu. Ça va pas changer le cours de notre soirée. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Funky Mix. Mon nom, c'est Manu. Don't need a fix, we keep working the chemistry.